le coup du Larousse. Mon nouvel appartement, se trouvant un peu loin de la Bibliothèque nationale, où m'appelle la journalière documentation de mes chroniques si substantielles, j'ai dû me résoudre à acheter un Larousse, un de ces braves Larousse qui donnent aux plus indurés crétins les airs malins de l'omniscient. Vous ne me verrez plus que rarement dans votre hall, ami Louis-Denise, érudit bibliothécaire et charmant camarade. Ce Larousse, dont la masse imposante s'étale au bas de mon fort joli buffet Louis XIII, converti ad hoc, me rappelle d'autres Larousse qu'au temps de ma jeunesse, j'acquis dans des conditions exceptionnelles de désordre financier. Je ne sais pas si les choses, au quartier latin d'aujourd'hui, se passent encore ainsi. Mais quand notre budget frisait l'imminente catastrophe, nous faisions le coup du Larousse. Nous achetions à des gens dont c'était le métier la grande encyclopédie. Nous l'échangions contre 20 billets mensuels de 30 francs, soit 600 francs, et nous étions bien heureux de revendre notre ouvrage 300 francs. Comme placement de père de famille, c'était plutôt contestable, mais palper 300 francs d'un coup, oh, délire! Mon fournisseur à moi était un abominable vieux bouquiniste de la rue Saint-Séverin qui se chargeait, du même coup, de me vendre le Larousse et de me trouver un acheteur le lendemain même. J'aimais assez cette simplification transactionnelle. Or, il arriva qu'un jour, j'achetais un Larousse chez ce sordide vieillard, que je lui signais immédiatement ses 20 billets et qu'il me livra illico le gros ballot de forte toile où s'enfermait le Larousse. J'avais en outre sa parole que mon acquisition trouverait preneur le lendemain, ou au plus tard le surlendemain. Le soir même, comme je parlais de l'affaire devant des amis, un étudiant riche me proposa de lui céder mon Larousse pour 400 francs. Pensez si je topais ! En un clin d'œil, les 400 francs furent dans ma poche et le ballot au sein du coquet petit appartement de mon ami, l'étudiant riche. Par pure complaisance, je passai chez le bouquiniste. « Ne vous occupez pas, lui dis-je, de me chercher quelqu'un pour mon Larousse. Je l'ai vendu. »« Vous l'avez vendu ?»« Je l'ai vendu à un de mes amis. »« Vendu ?»« Vendu et livré. »« Livré ?» Je crus que le vieux allait s'évanouir. Sa physionomie, ordinairement terreuse, passait maintenant au vert sale. C'était dégoûtant, mais effroyable. Bientôt, il reprit ses sens. « Courez vite chez votre ami » râla-t-il. « Reprenez le ballot. Peut-être ne l'a-t-il pas encore ouvert. Et rapportez-le-moi tout de suite. Allez vite. Prenez une voiture à mon compte. » Il fallait que la situation fût grave pour que ce rapia parlât de payer une voiture. Sans rien comprendre, j'obéis. Mon ami, l'étudiant riche, me reçut froidement. « Je comprends toutes les plaisanteries, » dit-il. Mais vraiment, celle-là dépasse les limites assignées par le simple bon goût. Du doigt, il me montrait le ballot éventré, et au lieu du Larousse promis, je ne sais quels innommables in quarto dont la valeur intrinsèque atteignait à peine celle du vieux papier. Je compris tout. Le vieillard de la rue Saint-Séverin m'avait vendu un Larousse factice, dont le racheteur factice n'était autre que lui-même. Canaille. À cette époque, je jouissais d'un caractère emporté. Je ne perdis point une si belle occasion de gueuler comme toute une ralinguée de putois. Ah ! Le pauvre vieux n'en menait pas large. Il se traînait à mes pieds, me suppliant de ne pas déshonorer ses cheveux blancs. Il avait des cheveux jaunes. Sa femme, il était veuve depuis 35 ans. Et ses enfants, il n'avait jamais eu d'enfants. Mais moi, je continuais à le traiter d'usurier et à le menacer du procureur de la République. À la fin, je proposais un arrangement amiable. Il livrerait un vrai Larousse à mon ami l'étudiant riche. Il me laisserait en possession de mes 400 francs. Il déchirerait les 20 billets par mois souscrits. Devant mon air résolu à aller jusqu'au bout, cette vieille crapule accepta mes conditions. Je me demandais longtemps si mon procédé avait été bien délicat. À l'heure qu'il est, je ne suis pas encore fixé. Le pire, c'est que je ne rencontrais jamais le pauvre malhonnête homme sans le forcer à me payer un boc, et je trinquais ainsi. « À la tienne, immonde fripouille !» Alors lui souriait gomme-gutte. un garçon timide ou pour se donner une contenance. La conversation tomba sur la timidité et les gens timides. C'était à qui conterait l'anecdote la plus comique sur les gaucheries que peut faire commettre la timidité quand elle est poussée à un point extrême. Que de mariages manqués, que de carrières brisées, que de vies ratées ne doit-on pas à ce ridicule défaut ? Évidemment, conclut un vieux monsieur solennel, la timidité est fertile en inconvénients de toutes sortes. Mais enfin, on n'en meurt pas. Vous avez tort, vieux monsieur solennel, de parler ainsi, répliquai-je. On en meurt. Et pour moi, j'ai un de mes amis, ou plutôt, je ne l'ai plus, puisqu'il en est mort. Mort de timidité ? Mort de timidité, ou, si vous préférez, mort des suites de la timidité. Contez-nous cela. Volontiers, à condition qu'on remette un peu de genièvre dans mon faible grog. La maîtresse de maison se chargea elle-même de cette délicate mission et s'en acquitta en véritable femme du monde. Mon verre, qui était plus qu'à moitié vide, se trouva rempli du coup. Charmante personne. « Parlez !» dit-elle. « Voici. » J'avais pour ami au quartier latin un étudiant en médecine, très brave garçon et très distingué, mais timide jusqu'à la catastrophe. Jamais il ne sortit sans, sous son bras gauche, une grosse serviette bourrée de livres et de papiers, et à la main droite, un parapluie. Pourquoi cette serviette qu'il n'ouvrait jamais ? Pourquoi ce parapluie qu'en flamboyait Phébus ? Il me l'avoua un jour en un sourire touchant. C'était pour se donner une contenance. « Au lieu d'un parapluie, il aurait pu prendre une canne, votre ami, » objecta le vieux monsieur solennel. C'est l'observation que je lui fis, vieux monsieur solennel. Mais il répondit qu'une canne, c'était trop provoquant. Vous ne l'auriez pas fait entrer seul dans un café, quand même les hallebardes auraient plu dans la rue. Résigné, il faisait les 100 pas sur le trottoir, attendant qu'un ami vînt pour pénétrer avec lui. En entrant, il se mouchait très fort pour se donner une contenance. Feuilletait fébrilement les illustrés pour se donner une contenance. Et parfois, buvait plus que de raison. Toujours pour se donner une contenance. « Une mauvaise contenance, alors !» observa le vieux monsieur solennel. « Ça dépend des goûts, vieux monsieur solennel, » ripostai-je cruellement. « Moi, je trouve que les pochards sont les seuls au monde à avoir un peu de tenue. Mais poursuivons notre tragique récit. Comment ce pauvre garçon parvint-il à passer des examens ? On ne le saura jamais. La chose me semble surtout à l'honneur de messieurs les professeurs qui durent apporter à ce résultat des trésors de pitié. Bref, il arriva à la fin de ses études de médecine et sa thèse, seule, lui restait à passer. Il avait, pour cette thèse, choisi un sujet qui paraîtrait bien démodé maintenant, mais qui, à l'époque, était assez original. De l'emploi de la presse hydraulique pour le traitement des constipations opiniâtres. « Tiens, » interrompit encore le vieux monsieur solennel. Il faudra que j'essaye ce procédé. Inutile, vieux monsieur solennel. Vous êtes constipé de naissance, ça ne se guérit pas. Un jour que mon pauvre ami était à sa table de travail, tout près de sa fenêtre, bien en train de piocher sa thèse, soudain, il leva les yeux et aperçut à la maison d'en face, sur le balcon, tout un lot de jeunes hommes et de jeunes femmes qui le contemplaient en riant beaucoup, et dont quelques-uns même braquaient sur lui d'indiscrètes jumelles. Mon pauvre ami devint rouge, orange, jaune, vert, indigo, violet, puis rouge, orange, etc. Il passa, comme disent les bonnes gens, par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Cependant, la féroce jeunesse du balcon continuait à le lorgner impitoyablement. Mon pauvre ami perdit la tête. Il avisa une grosse corde qui avait servi à lier sa malle, l'accrocha au ciel de lit et se pendit pour se donner une contenance. Un mode d'éclairage relativement peu connu. Je viens de feuilleter avec délice les magnifiques ouvrages que ne manque jamais de m'envoyer, aux approches du premier de l'an, la somptueuse maison Quentin. Celui de ces livres qui subjugua le plus mon attention, c'est « L'éclairage à travers les âges ». Rien de plus intéressant que l'historique de la lumière dans l'humanité. Le premier flambeau qui éclaira le monde fut, au dire des savants, le soleil pour le jour et la lune pour la nuit. Ce procédé, assurément économique, avait le désavantage d'illuminer fort insuffisamment l'intérieur des cavernes en lesquelles gîtaient nos pères. Les soirées du 14 juillet y perdaient, en outre, beaucoup de leur éclat. Nos aïeux se mirent à l'œuvre en vue d'obtenir un éclairage plus pratique. Avant d'arriver au bec Oer, beaucoup d'essais intéressants furent tentés. Le plus ancien est celui qui remonte à l'âge de pierre. Il consistait en un choc sec de deux silex, l'un contre l'autre. Les ainsi jaillissantes étincelles produisaient une lumière vive, mais, hélas, trop intermittente et mal appropriée aux travaux, tant soit peu minutieux, comme par exemple l'expertise en écriture publique ou privée. L'âge de pierre aboli, nous arrivons à l'âge de sapin. Apparaît la torche de résine. Mais le cadre exigu dont je dispose m'interdit de m'étaler longuement sur ses annales. Aussi bien, l'éclairage à travers les âges vous racontera mieux que moi les passionnantes luttes de l'être humain contre les ténèbres. J'ai constaté avec peine, cependant, que ce si complet et si consciencieux ouvrage avait oublié un mode d'éclairage assez peu connu à la vérité, mais bien digne tout de même d'être révélé aux masses. J'espère qu'en sa prochaine édition, l'auteur de « L'éclairage à travers les âges » ajoutera à son beau livre un léger appendice relatif à mon histoire. Un vieux homme, que je connaissais pour l'avoir rencontré dans les pires endroits de Paris, eut un jour une idée, que je serais bien bête d'hésiter à qualifier de géniale. Les terrains qui circonvoisinent les dépôts et raffineries de pétrole sont, en général, fort mal cotés pour la culture du petit pois, auquel les terrains communiquent un sale goût d'essence tout à fait inacceptable. Pour ce qui est des asperges, même inconvénient. Et aussi, même inconvénient pour tout légume destiné à l'alimentation. À quoi attribuer ce phénomène? Condensation sur les dits terrains? Des vapeurs de pétrole? Simple infiltration peut-être? Qu'importe. Mon bonhomme passa avec toutes les usines et tous les entrepôts de pétrole de la banlieue de Paris des marchés à long terme qui lui assuraient, à des prix véritablement dérisoires, la jouissance de ces terrains. Il y planta des poireaux. Les poireaux poussèrent superbes et saturés d'éblouissants carbures. Il les vendit pour des chandelles perfectionnées. Ce nouveau mode d'éclairage conquit rapidement une vogue immense. Et notre ingénieux bonhomme gagna des sommes énormes qu'il consacra uniquement à la satisfaction de ses plus bas appétits. La nouvelle machine du Capitaine Cap. Comme j'avais rencontré mon excellent ami le Capitaine Cap devant la Leicester Taverne, je lui dis simplement « Nous entrons ?»« Oh, que non pas !» répondit vivement Cap. « Alors, au Chicago Bar, c'est tout près ?»« Au Chicago Bar, pas plus qu'à la Leicester Taverne !»« Vous m'inquiétez, Cap. Tant que durera le conflit anglo-américain, je ne mettrai les pieds dans aucun établissement John Bullesque ni Oncle Sameux. Dans la situation que j'occupe, l'intégrale neutralité s'impose à moi. » « Et dans les brasseries vénézuéliennes, Cap, y allez-vous ?»« Le moins possible. D'ailleurs, je ne bois plus rien à Paris. Dès que j'ai soif, je vais dans les départements, j'enfourche ma nonuplette. » »« Pardon, Cap, de vous interrompre. Votre... quoi enfourchez-vous ?»« Ma nonuplette. Ah, vous ne connaissez pas ma nonuplette ?» Comme son nom l'indique, c'est un cycle monté par 9 personnes, comme la sextuplette est montée par 6. 9 personnes? Oh, c'est une fameuse machine que ma nonuplette, uniquement composée de brins d'osier assemblés et renforcés par des bandes de papier gommé. Pas de métal? Pas ça de métal. Pas ça. Et c'est solide? Pourquoi donc pas, je vous prie? Une panthère, c'est solide. Un albatros, c'est solide. Un requin, c'est solide. Et pourtant, citez-moi une pièce métallique entrant dans la construction de ces organismes. Le bon Dieu, trop malin pour employer du métal dans la confection de ces petits trucs. Vous devez aller vite avec votre nonuplette. 234 kilomètres à l'heure. Cap, mon vieux Cap, j'ai une peur terrible que vous n'abusiez de mon ingénuité. Mais pas du tout, cher ami, je vous jure. 234 kilomètres à l'heure? pas un millimètre de moins. Je dois d'ailleurs ajouter que ma nonuplette, machine et coureur pèsent, tout compris, environ 1 kilo. Ah, tout s'explique alors. Mais 1 kilo, y songez-vous, 1 simple kilo pour tout ce monde-là. Je dois encore ajouter, pour terrasser vos doutes, que ma nonuplette est allégée par un ballon dont la force ascensionnelle représente, à 1 kilo près, le poids de la machine et des coureurs. Vous m'en direz tant. Mais la résistance de l'air contre ce ballon? Nulle. Mon ballon affecte la forme d'un tire-bouchon à 2 pointes, une par devant, une par derrière. Il se visse dans l'air comme le tire-bouchon se vrille dans le liège, c'est-à-dire sans résistance appréciable. D'où qu'il souffle, le vent n'arrive même pas à nous faire hausser les épaules. Pauvre vent! Allons, mon cher Allais, décidez-vous, venez avec nous prendre un verre à Dunkerque. Volontiers. Mon acquiescement parut enchanté, Cap. Mais le capitaine se rappela bientôt qu'un léger accident était survenu le matin même à un brin d'osier de sa nonuplette. Finalement, nous entrâmes dans un petit café blanc et or, où un garçon, entre 2 âges, nous servit 2 excellents bocs de bière Dreher. Îlot moderne. Tous les bons citoyens qui ont le souci de relever, au physique et au moral, la race de France, applaudiront comme moi à l'énergique campagne qu'on commence à mener dans l'université contre les abus des spiritueux de toutes sortes. Dans les écoles normales, où se forment nos futurs instituteurs, ont lieu des conférences démontrant les dangers de l'alcool et les moyens d'enrayer les déplorables habitudes d'intempérance qui s'infiltrent chaque jour de plus en plus avant dans nos mœurs. À partir de l'année prochaine, l'éducation anti-alcoolique aura pénétré dans tous les lycées, collèges, écoles, etc., etc., de France. Bravo, monsieur Combes, bravo. Mais ce n'est pas tout que la conférence. Le livre doit aussi prêter son concours à cette œuvre moralisatrice. Un « De Pochardis illustribus », paraît-il, est sous presse. Les jeunes gens indignés y liront la vie des célèbres poivreaux qui déshonorèrent l'humanité, depuis Noé jusqu'à... Chut! Ne nous brouillons pas avec une nation amie ou réputée telle. Il ne faudrait pas pourtant que messieurs les universitaires, instigateurs de ce mouvement, s'imaginassent l'avoir inventé de toutes pièces. Avant eux, bien avant eux, les instituteurs lacédémoniens, mettant la pratique au-dessus de la théorie, avaient coutume d'enivrer devant leurs élèves plusieurs îlotes, et non pas pilotes, comme on l'écrit parfois à tort. Ce spectacle dégoûtait tellement les jeunes lacédémoniens que, plutôt que d'accepter la moindre consommation, ils préféraient se faire dévorer la poitrine par des renards en bas âge. Un tel résultat ne vous semble-t-il pas bien fait pour encourager la pratique de cette leçon de choses renouvelée des Grecs? Oui, n'est-ce pas? Mais il n'y a plus d'îlotes, dites-vous? Tout gens libres, alors? Vous n'êtes pas difficile, vous, si vous considérez la société moderne comme dénuée d'esclaves. Vous avez lu ça dans le si subtil et tant personnel Paul Leroy Beaulieu, un jeune économiste de beaucoup d'avenir? Revenons à notre sujet. Mettons, il n'y a plus d'îlotes. Mais... il existe toute une classe de citoyens gémissant dans la détresse. Je veux parler des professeurs que l'université chassa de son sein pour cause d'ivrognerie. Tous les pédagogues se trouvant dans ce cas éprouvent d'extrêmes difficultés à trouver une autre place, soit dans la diplomatie, soit dans les conseils d'administration des compagnies de chemin de fer. Ne voilà-t-il pas une solution toute faite pour eux, ces bons types de vieux poivreaux? On ferait du même coup, en les saoulant devant la studieuse jeunesse, 2 bonnes œuvres. On moraliserait les adolescents, tout en flattant les goûts de braves individus des plus intéressants, en somme.